les altère, mes défis sont hot shot comme la braise. J'pèse, attise le feu, tapèse. J'tise mes verres ou fuis à l'anglaise. Pour ma part, j'reste en mission. J'lève les lourds comme des altères, les malaxes comme la glaise. Relax, j'préfère qu'on se plaise. J'me transforme vite en l'avant-fusion. Si tu me baisses, obstrue mon acte, joue de ton pèse. Ramène ta fraise, mot à notre aise. Envoie un marque, tout à profusion en mode 13. Toujours au lac dans cette confusion. On blesse les marronneurs, eux charbonnent pendant que l'on fume les crames. Flow à l'honneur, à la bonne et on t'en parfume. Rame, si tu attends que l'on cesse, c'est notre âme tant qu'on sait. Notre arme face au drame de ce monde insensé. Mauveuse noire, le chaud, envoie les mots. Face au mot de cette terre, les défauts de tous ces faux. Chaud, veuve noire, mots, use de leurs plumes. Laissons-les croire qu'ils nous plument. Quand on s'allume, on s'en amuse. Mauveuse noire, le chaud, on envoie les mots. Face au mot de cette terre et les défauts de tous ces faux. C'est chaud, veuve noire, et mots, use de leurs plumes. Laissons-les croire qu'ils nous plument. Quand on s'allume, on s'en amuse. Formés comme des soldats, forgés pour le combat. Frappe fort comme en boxe taille. MC, tu n'es pas taille, pas le temps de faire les singeries. On reste toujours hip-hop, fidèle à ce qu'on dit. Ne compare pas à tous ces procs qui font tapiner le rap et prétendre être les boss. Discret, c'est un rêve depuis tout gosse. Je suis un tracteur de la rime qui bousille tout sur mon passage. Madine Marseille, j'espère que tu as bien compris le message. Qu'on fait du travail souterrain à la PMG. Donc nous parle pas de commercial, c'est pas dans nos délires. Gérer les choses crues de nos jours, c'est parce qu'il nous fait vivre. Je collabore pour un produit qu'on vous livre. Ivre dans nos textes, ivre dans nos flots. Ton esprit vibre, mais cesse mûsure, braque les faux. M.O. donne le sport en cabine ou dans un show. On garde toujours le score, c'est ça les valeurs de nos mots. Mon veuve noir, le show, envoie les mots. Face au mot de cette terre, les défauts de tous ces faux. Chaud, veuve noir, aux mots, use de leurs plumes. Laissons-les croire qu'ils nous plument. Quand on s'allume, on s'en amuse. C'est mon veuve noir, le show, on envoie les mots. Face au mot de cette terre et les défauts de tous ces faux. C'est chaud, veuve noire, et mots, use de leurs plumes. Laissons-les croire qu'ils nous plument. Quand on s'allume, on s'en amuse. J'm'investis, j'ai la classe et les momos. Il est l'heure que se casse leur démo trop travesti. J'me place des mondes, vous êtes avertis. Je suis ange des mondes, te divertis et tu en redemandes. Bien sûr, tu es comme tout le monde, t'aimes quand c'est bon et faire des bons quand on met les MC, ils montent la mande. Vas-y, la ferme, écoute plutôt la rue elle-même. Rap authentique, marre d'écouter de la merde, arrête de rêver. Laisse le rap au vrai bonhomme. Ceux qui l'ont hérité, pour qui j'ai un grand respect. Marseille, c'est le Queens avec mentalité de fauve. Prête-toi à dévorer avec des styles qui n'offent. Mauveuse noire, le chaud, envoie les mots. Face au mot de cette terre, les défauts de tous ces faux. Chaud, veuve noire,